La revue népalaise Left Review, en date du 15 mai et 15 juin, a présenté le texte intégral de l'historique message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un avec sa photo.